les hommes aiment-ils se battre et faire de la vie le théâtre où la haine se trouve à la porte et c'est toujours elle qui l'emporte. Pourquoi le bruit? Faut-il que l'on ait peur quand on a l'amour dans le cœur? Pourquoi les sons de nos prières ont les mélodies de la guerre? Pourquoi le bruit? Sans le voir, quand on est malheureux, et laquelle faut-il suivre des routes de nos vies, ou celle qui nous délivre, ou celle qui nous punit? Pourquoi le bruit? Pourquoi le bruit? Le monde est beau tant que l'espoir n'est pas fini. Pourquoi le bruit? Pourquoi le bruit? C'est pour le bien que sur la terre